Stan, le morceau il doit rester comme ça, ma gueule. Live. Saint-Joseph. Ok. En place, def to def, ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Halle. J'ai l'accent barga, la tête à Ben Laden et un gros jouet sous ma parka. Le cœur d'un assassin, les yeux rouges de la chachine. Mes ennemis les chiennes et je fume leur race comme un targa. J'ai un mauvais sang menaçant, doublé d'un mauvais fond. J'amène le mauvais temps, pour les trucs cons j'ai des mauvais dons. Des Yaoundé un phénomène man, les femmes l'aiment. Même quand je clique, clique un fait mal. Et je me répands comme un germe, j'engendre comme le sperme. La crème de la crème au chromie, un chroma. J'en ai trop mis en trauma, je suis un pro man. Crois-moi, n'essaye pas, j'hésite pas. J'fais ce que j'ai à faire dans un monde où on achève un homme à terre. J'ai pas d'amis, j'ai que des ennemis ou des frères. Et quand je sors régler l'affaire, le croque-mort prépare les faire part. Au faire part, Saint-Joseph ou quand le faire part. C'est toi contre moi, c'est toi qui t'en vas. Ne teste pas, non ne reste pas là. Yes, ma main passe comme on me le voit. Ne déteste pas, ne respecte pas. C'est toi contre moi, c'est toi qui t'en vas. Ne teste pas, non ne reste pas là. Ok. Ma main basse comme mon œil voit. Ne déteste pas, ne respecte pas. Toucher ma solde, développer un move avec mes soldats. Poche plein de cash pleine, mes gold visa. Max 50, tes parabellum visa lisa. Rouler au James Last dans un Jean Range Rover. Contrôler le jeu comme Hove, je suis le sauve. Mais sauve ma gueule avant les autres. Moi aussi à mon tour, j'aimerais avoir peur des pauvres. J'fais mal on the regular. Fuck around et meet ma lame dans ta juggler. I trigger ya Joe, j'cut tes balls et j'pars en rigolant. Nigga ya dra, on colle pas les decks, même si ça devient spect. Heckler, on punit l'ennemi en picolant. Et puis sa famille dans les langes ou les mouchards et on coupe ton putain de rickler. Black Yakuza, dans le biz depuis des ans, cousin. C'est toi contre moi, c'est toi qui t'en vas. Ne teste pas, non ne reste pas là. Yes, ma main passe comme on œil voit. Ne déteste pas, ne respecte pas. Ça c'est toi contre moi, c'est toi qui t'en vas. Ne me teste pas, non ne reste pas là. Ok. Ma main basse comme mon œil voit. Ne déteste pas, ne respecte pas. Si c'est toi contre moi, c'est toi qui t'en vas. Ne déteste pas, non ne reste pas là. Yes. Ma main basse comme mon œil voit. Ne déteste pas, ne respecte pas. Ça c'est toi contre moi, c'est toi qui t'en vas. Ne déteste pas, non ne reste pas là. Ok. Ma main basse comme mon œil voit. Ne déteste pas, ne respecte pas. Saint-Joseph. Ok. Hitman Deluxe, ma gueule, parce que trop de gars dans ce game, ils sont cheap. Nous, on est des snipers. Street, oh! Yes! Sur un beat à G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G- ma gueule.